Bonjour. Direct 1er avril 2023. Donc, s'il n'y a pas de son, vous me direz ça, là. J'étais en train d'écouter l'annonce d'André Pitre sur sa plateforme de diffusion où il annonçait qu'il cesse Lux Media, pour se concentrer à Lutte Media puis parler juste de lutte professionnelle. Fait que j'ai dit, bon, ben, comme je pensais, c'était un poisson d'avril, fait que je suis parti. Ça fait que, bon, on va le laisser faire, le comique. Il se pense comique. Moi, c'est des poissons d'avril plate. Hein, j'ai pas eu le temps de vous lire. Bon, ça a l'air qu'il y a tout ça. Donc, bon, c'est une farce plate qu'il fait. Puis, bon. Ça fait un bout de temps que je chiale. Il dit, ah, le monde, ils n'en veulent pas de liberté d'expression. Ben là, c'est quand les gens ils expriment leur liberté d'expression, ils reçoivent des critiques, ben dans le fond, c'est quand ils servent leur liberté d'expression, ils en concluent les gens ne veulent pas de liberté d'expression. Bon. Finalement, bon matin tout le monde, là, je m'excuse, je me suis trompé d'une lettre. Ah, OK. Donc, bon, finalement, l'affaire pour nettoyer le sang du monde, moi, je ne l'avais pas vu. Il l'avait fait quelques jours avant. Donc, oui, si vous pensez que votre sang est fini, eux autres, là, vous avez juste à payer, puis, bah, hein, avec des huiles essentielles, puis je sais pas quoi encore, vous pourrez nettoyer votre sang. Puis des formations de ci, puis de ça avec docteur Patente. Docteur, comment il s'appelle le docteur, là? Docteur Klaus Kinski, non, c'est pas celui, c'est pas celui-là. Bonjour Jean, bonjour Marie-Jeanne, bonjour Claudine, bonjour Lucie, bonjour Bob. Donc, Jean Saint-André, bonjour, Mystère Guerrière. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça. J'ai pas vraiment de sujet aujourd'hui, puis je me suis levé très, très, très tôt. Donc, bon, je suis un petit peu fatigué. Je me suis levé à 3 heures du matin. Donc, bon. Puis là, j'ai vu que j'avais des messages, mais je n'ai pas été voir, je n'ai pas eu le temps. Puis aujourd'hui, il faut que j'aille faire des rénovations. J'ai une journée assez chargée. Donc, c'est ça. Puis finalement, bon, vous avez peut-être vu, il y a eu de la chicanerie dans ce qu'eux autres appellent la résistance. Personnellement, moi, je ne fais pas partie d'une résistance. Pourquoi la résistance, c'est collectif? On pourrait dire un insoumis, mais je ne veux pas partie d'une résistance. Il y a eu de la chicanerie, il y a eu des chicanes. Bon, puis moi, je pense que c'est du show. Je pense que c'est du show. Puis c'est ça. Vous savez, le printemps s'en vient, puis les gens vont se désintéresser un petit peu, ils vont faire d'autres choses. Le beau temps s'en vient, puis ces gens-là, ben, ils veulent faut tenir un public en haleine. Puis bon, peut-être c'est instinctivement qu'ils font ça. Vous avez dû faire un live à 3 heures. Il y a beaucoup de monde qui dormait pas. Non, ben, non, là, je commencerai pas à faire des lives en pleine nuit. J'ai la chambre des voisins ici en haut. Moi aussi, je trouve que ça a l'air d'un show. Ben oui, c'est tout le temps un show. Comme son annonce d'aujourd'hui André Pitt, ça a pris quelques minutes. Je dis, bon, c'est un poisson d'avril. Ben, je suis parti. Je vais pas me mettre à écouter ça. Je manque assez de temps même sans écouter des pitreries. Bon. Puis de toute façon, bon, c'est sûr. En plus, il s'en va dire, il dit, je me suis beaucoup inspiré de le format Nana l'information autrement. Puis il dit, j'aime son plan d'affaires. Ouais. Elle a quitté de l'argent pour aller au midterm aux États-Unis, 60 000 piastres, qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer aux États-Unis parce qu'elle n'est pas vacciné, puis elle a mis l'argent dans ses poches pour faire du tirage de cartes. Moi, ça, je considère que c'est de la fraude, mais bon, ça, c'est mon affaire. Puis, si je n'ai pas contente, ben là, que je voulais que je vous dise, moi, c'est ma définition à moi. Je comprends pas ce monde-là. Il m'écoute bien franchement. Là. En tout cas, bon, je me demande même pourquoi son plan d'affaires, quel jour. Ben oui, son plan d'affaires. C'est ça qu'il a dit là matin. Il aime bien son plan d'affaires. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est des gens d'affaires. C'est des gens d'affaires. Puis j'ai pas confiance en personne. Puis l'affaire, c'est pas pour mettre le moral du monde à terre. ça n'a rien à voir. C'est que si on est un petit peu moins naïf, ben on est un petit peu plus difficile à décevoir. Puis ça va être plus facile de prendre certaines. Ça va être plus dur d'avoir le moral à terre. Quelqu'un qui a aucun espoir, puis qui veut voir les choses comme elles sont, puis bon, souvent, il va rester debout. Quand bon, il répète le vieux pattern. Mais Dan Pilon, il a fait un live avec François. Dan, il est pire que. C'est qui François? Il est pire que Glenn, il coupe tout le temps la parole. Dan, il ne l'a jamais s'exprimer. C'est fou, ça. Mais c'est qui François? Vous savez, je ne les connais pas ben, ben. Puis, non, je ne sais pas c'est qui François. Vous parlez François Amalega. Bon. Ben, il y a nuit, lui, je veux dire, il a servi aux journaux à donner une image. Puis regardez, là, ils se sont servis de lui, justement, les gens qui s'opposent à l'heure du compte, puis ces choses-là. Il nuit, là, en s'associant à ça. C'est de la psychologie inversée, tant qu'à moi, puis des contre-feux. Il est peut-être sincère, mais tant qu'à moi, il sert à nuire. Parce que. Là, ils disent, ah, oh, c'est de la haine. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, regardez bien dans 25 ans, là, dans 25-30 ans, si ça continue, là, si vous vous mettez à dire, ben, la pédophilie, c'est pas correct, ils vont dire, c'est de la haine. On s'en va vers ça, là. C'est tout de la haine. Dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est de la haine, de la haine. Bon, OK, parfait. Ben oui, OK, c'est de la haine. Je suis prêt à l'admettre. Ah oui, j'ai de la haine en tabarnak. C'est vous autres qui, c'est eux autres qui dites ça, qui disent ça. Bon. OK. Pas mal passif pour un haineux. En plus, j'ai rien à. C'est juste des comédiens, mais c'est ce que je pense aussi. Ben oui. Bonjour les gens. Bonjour de Monsieur Pinard. Attends-le, bonjour. Un tas de marde, la médiocrité du Québec ne va qu'empirer, bah, c'est mondial. Hein. C'est une tendance lourde, expatriée depuis 2 ans, meilleure décision à vie. Ah oui, je me souviens pas dans quel coin vous êtes. Bon, Marie-Jeanne, Bill Lindell. Ah, bonjour. Ah oui, j'ai reconnu. Donc, c'est un spectacle, c'est un. T'sais. Prenez comme quand j'ai parlé que. Madame Roselyne Bachelot, qui avait écrit dans son livre qu'il y avait des propositions par rapport à, bon, dans le temps, Madame Macron pour des rénovations de Notre-Dame, puis tout, puis que j'avais dit, j'en avais parlé, puis finalement, l'oiseau moqueur m'avait dit, ben, c'est une fake news. Mais c'est du monde autour de Dieudonné qui ont dit que c'était une fake news. Moi, je considère que c'est pas fiable, le monde autour de Dieudonné. Pourquoi? Parce que c'est la même affaire que ce qu'on a ici au Québec. C'est drôle, moi je pense que le sketch de Dieudonné qui a été fait, puis qui est. C'est drôle, hein? On dirait que c'était. Il a changé de carrière à un moment donné, puis moi je pense que c'était pas une erreur, ce sketch-là, ça a été voulu. Puis après, il y a eu. Je pense que c'est toute de la manipulation, réellement. Puis j'ai confiance en personne, mais personne. Ben, Sam Loiseau-Moqueur, j'ai une certaine confiance. J'ai confiance en certaines personnes, oui. Mais toutes ceux, vous savez, dès que quelqu'un est dans le journal, j'ai pas confiance. C'est de la psychologie inversée, c'est une façon de faire de la publicité. Ben oui. Parce que la clientèle qui est visée n'aime pas les médias. Donc, dès que certains types de personnes sont dénigrées dans les médias, ça les crédibilise au niveau de la clientèle recherchée. On va aller chez Francis, aux échangés, rouler dans la neige. Ah oui, je ne l'écoute pas souvent, aux échangés. Je n'écoute pas grand-chose, ben, franchement, là. Je n'écoute pas grand-chose. C'est quoi j'ai écouté dernièrement? Je m'en souviens même plus. J'écoute les nouvelles TV Liberté. Ça, c'est juste pour s'informer un petit peu, voir ce qui se passe de toute façon. Moi aussi, des sites d'information où je vais voir. Puis bon, c'est pour ça que Lux Media, je n'ai pas écouté ça. toutes les nouvelles, la réinformation qu'ils font, c'est des choses qu'ils ne m'apprennent jamais rien. On a la même information ailleurs plus vite. En tout cas, Francis a fait à manger. Il a fait à manger. Ah oui. Salut Marie-Jean. Bonjour. Bonjour Valérie. Lucie. Ben oui, c'est un jeu. Il y a beaucoup de monde qu'on ne soupçonne pas qui font partie. Ben, TV Liberté, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Puis ça, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai confiance. Mais c'est pour bien s'informer, pareil. Donc, les autres, je regarde de temps en temps. Donc, bon. Ah, tain, la couette. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, donc? Pas grand-chose d'autre. Vous savez, plus ça change, plus c'est pareil. C'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça. Je suis pas si inquiet que ça. On nous fait miroiter beaucoup de choses que finalement, bon. Vous savez quoi, j'ai appris par moi-même à booster ma batterie de voiture. J'apprends à me débrouiller seul dans la vie. Ben, comment vous faites sans une autre voiture? Vous apprenez une autre voiture? Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Paul. Donc, bon, il y a quelqu'un avec qui, des fois, je vais en ville, là. Puis sa batterie d'auto, ça arrivait des fois quand je montais dans l'auto, la batterie partait pas. C'est de ma faute, ça. C'est de ma faute. Ton opinion, ta vision du show Trump, bon, je pense aussi que c'était, comme vous dites, c'est un show. Peu importe qu'il soit sincère ou pas, Trump, il est instrumentalisé. Donc, bon. Je regarde pas trop, je m'en fous. Le 23 février 2023 étant passé, on attend quelle date maintenant? Là, à cette heure, Leur date, c'est 2033. Ouais, il est allé dire, notre ésotériste du Nouveau Monde, que là, on entrait dans une période de 10 ans vers le Nouveau Monde, là, puis là, maintenant, là, ça va, on a une transition, là, vers 2033. Ouais. Non, non, j'ai acheté un booster. OK, oui. Ah oui, OK. Bon, ça... Ah oui, c'est bien ça. En 2033, on a le temps, du coup, on peut relaxer. Hein? Ben lui, bon, il y en a une couple qui ne seront plus là en chemin, là. En tout cas, Belinda, c'est quoi booster? Un booster, c'est comme c'est une batterie portative, dans le fond. Vous branchez ça après votre batterie. Puis vous n'avez pas besoin d'une autre voiture. Puis bon, il y a ça dans les grandes quincailleries. L'entrevue avec David était très dense et riche en informations. Ah bon, ben, surtout, souvent plus de l'opinion, là, dans le fond, là. Bonjour tout le monde, ça faisait bien longtemps que je ne suis pas tombé sur le direct. Ah oui, moi, je le vois plutôt aujourd'hui. Ah ben, t'as rien. Ben oui, j'étais allé écouter André Pitt, là, son annonce. Bon, c'est un poisson d'avril. Ben oui, il dit que là, il va se consacrer à la lutte professionnelle au niveau de ses émissions. Moi. Le pire, c'est que c'est crédible parce que de ce que je me souviens à l'école, les autres qui avaient des t-shirts de lutte professionnelle, c'était des gros TDAH. Ben non, c'est des farces, hein? Oh ben, rire un peu. Des fois, je suis pas fin. Pas tout le temps fin. Mais je suis honnête. Pour ça, des fois, ça peut être blessant. Parce que des fois, je suis méchant, puis c'est pas par. Ouais. Mais bon, il reste que c'est un petit peu rire du monde, comme d'aller dire, ah, oh, c'est pas pire ça comme plan d'affaires, nana, là, qui s'est poussé avec 60 000 piastres. Bon, ouais. J'ai bien de la misère avec eux autres. Mais là, elle s'est calmée, là, elle a lâché, elle a arrêté de faire ses niaiseries, elle a parlé du supramental, qu'elle a dit n'importe quoi. Ah, c'est pas un sketch comique, là. Ces sujets-là. C'est sûr qu'on va finir par dire de quoi. Qu'elle continue à tirer ses cartes pour faire ses patentes de Zodiac, là, mais les affaires d'aller créer des personnages, qu'après, on ne sait pas que c'est un personnage, c'est un filtre, puis de dire, oh, j'ai rencontré. Sa bonne femme, là, comment qu'elle s'appelle, Germaine Patente, là, qui a rencontré Bernard de Montréal. Puis Carlis, là, dit-lui que c'est un personnage. Arrange tout pour que ça se convoque. Il y a du monde, ils sont naïfs, ils vont croire ça. C'est ça, moi, qui me dérange. J'ai dit, dans le fond, c'est des. C'est quoi, comment qu'on appelle ça? Des putes à clics. Hein? Tandis que, regardez ici, moins il y a de monde, mieux c'est. On a la paix. Bien plus le fun. C'est quoi la date du 23 février? C'était le 24 février. Ben, c'était la gang d'ésotérisme expérimental, que ça faisait 40 ans, qui prédisait une initiation pour toute l'humanité. Là, il allait avoir des événements, là. Puis là, finalement, au fil du temps, il a tout changé. Son scénario changeait à chaque fois. Là, un moment, bon. C'est pour ça que, moi, je vous dis, il va falloir être très, très terre à terre. Rien croire. C'est la base, hein, pas croire. Pourquoi l'être humain y croit? Ben, pourquoi est-ce qu'il est polarisé entre le doute puis la croyance? Parce qu'il sait pas. Croire, c'est du remplissage. Donc, à un moment donné, ça donne rien. Il y a une différence entre spéculer sur des possibilités puis croire. Puis même Pereira y avait embarqué. Moi, j'avais dit, c'est possible qu'il se passe de quoi, mais s'il se passe de quoi, ça va être de la manipulation. Tandis que Pereira, lui, avait fait une émission pour dire, il s'en vient quelque chose. Ah non. Je pensais qu'il était parti dehors, aller se faire battre par les autres chats, lui. Richard, il n'a pas encore évité l'autre avec sa chambre de taquion. Ben oui, pas vu la vidéo, s'il n'a pas fait, il va faire, c'est certain. Ben oui, c'est la nouvelle mode pour arnaquer le monde. Les chambres à taquion. Savez-vous, c'est quoi les chambres à taquion? C'est une dalle de comptoir de cuisine par terre avec une pyramide en tubulure de cuivre avec des petits cristaux. Puis ça, il y en a, ils payent jusqu'à 18 000 $. Ils s'endettent. Puis après, ils font payer les gens pour rembourser leurs dettes pour des affaires de chambre à taquion. Moi, je m'en vais dans une quincaillerie après être passé chez quelqu'un qui fait des monuments là, funéraires là, pour avoir la plaque de pierre. Puis une chambre à taquion, je peux vous en faire une pour autour 500-600 pièces. C'est la nouvelle arnaque. Puis souvent, les gens qui sont là-dedans, ils vont dire c'est une alternative au nouvel âge. Comme c'est pas nouvel âge, ça, des plaques de pierre avec des gravures de fleurs de vie dessus, des pyramides comme dans les années 80, là, mais en tubulure de cuivre, des cristaux. C'est tout le temps de l'arnaque. Là, on tombe dans aussi là, la grosse mode, ça va être. Ben, vous vous souvenez, regardez à la fin du 19e siècle, quand l'électricité commençait à être plus connue, là, il y avait plein de thérapies alternatives à l'électricité. Comme comment il s'appelle le médecin qui est fou, là, qui a inventé les Kellogg, Dr. Kellogg. Donc, c'est pareil, la physique quantique, là. C'est, moi, tant qu'à moi, c'est de l'arnaque, c'est tout de l'arnaque. Je veux dire, en tout cas, bon, j'en ai manqué, là. Bon, j'en manque, là, je m'excuse, là. Bon. Il y a une arnaque, là, bon. Ça me choque pas mal. Bonjour, Corinne. À moi, on me reproche tout le temps que je suis terre à terre. Ben, pourtant. Pourtant. Ça prend une mise à terre, sinon. Bon, en tout cas, j'ai vu un documentaire sur l'arnaque du taquion. Ouais, ben, c'est la grosse mode en ce moment. C'est une arnaque à la nouillage, ouais. Ah, bonjour. Sam, chambre de taquion, ça sert pour vider votre poche et laver votre cerveau chez vous, d'une main du sel dans la cervelle. Ouais. Nouvelle cette semaine, l'IA, quoi en penser? Moi, j'en pense rien. On exagère beaucoup. On exagère beaucoup, beaucoup de choses. L'IA, quand vous lui posez des questions, elle a un discours de... C'est idéologique, c'est politique, ce qui sort. Donc, il y a des programmateurs en arrière. Il y a des programmeurs. Donc, c'est pas de l'intelligence artificielle au sens d'artifice. C'est comme le magicien d'Oz, là, qui est caché derrière ses machines. Puis, ah, c'est ça, l'IA. Il a tremblé. L'humain veut être sauvé à tout prix. Oui, puis qui va le sauver de lui-même, sa propre naïveté? C'est parce qu'on est naïf qu'on veut être sauvé. On se sait vulnérable. C'est comme si on est idiot, puis on est juste assez intelligent pour se douter qu'on n'est pas. Maudit chat. Bonjour, se faire arnaquer peut servir à être moins influençable. Oui. Par la déception. Si vous intégrez votre expérience, ça va être plus difficile de vous avoir après. C'est à ça que ça peut servir. Magicien d'os, film révélateur. Oui, puis j'ai jamais été capable de l'écouter. Je suis pas capable. Ça m'écœure. Je suis pas capable d'écouter ça, là, tout le côté. Un instant. Bon. Crois-tu que le système économique va s'effondrer en 2023? J'ai vu une annonce de. Comme il était sûr de placer son argent à la banque puisqu'il est assuré. Le système économique ne va pas s'effondrer. Il y a des gens qui vont s'effondrer. Prenez 1929, est-ce que le système économique s'est effondré? Il n'y a plus de JP Morgan Chase, il n'y a plus de. Non, c'est le monde qui s'effondre, c'est des individus qui s'effondrent. C'est une. Prenez, là. Les crises, là, c'est pour que les plus gros mangent les plus petits, c'est tout. Donc, le système ne peut pas s'effondrer. C'est du théâtre encore. Bon. Dans le sens que c'est de la sélection. Qu'est-ce qui va s'effondrer? C'est des castes. Maudit chat. Ben oui. Ils savent que le niveau de conscience de gens est vraiment très bas. C'est pour ça qu'ils se permettent de jouer avec nous. Ben, regardez, c'est qui a pensé la réforme de la santé qu'on va nous faire là? Vous pensez que c'est Christian Dubé? Ou... C'est la sous-ministre, là. Comment elle s'appelle? Dominique Savoie. Une sous-ministre, c'est plus puissant qu'un ministre. Les ministres passent, les sous-ministres restent. La vraie autorité est tout le temps derrière. Puis derrière elle, il y a d'autres choses. À taper son nom, elle, la fonctionnaire Dominique Savoie, regardez-la comme faux. Ils savent que niveau de conscience, OK. Minou, minou, moi, ben, il est parti, je l'ai sacré dehors. Bonjour, oui, comme un petit enfant qui veut de l'attention. Ouais. En plus, on voit que le dollar américain semble s'effondrer. Russie, Chine, Mexique, Arabes se joignent ensemble et ne prennent plus le dollar américain. Je suis pas. Prenez l'or et il baisse un petit peu, là. Bon. Puis, c'est quoi, j'ai des actions dans une compagnie. Les autres, c'est du gaz. Ça continue de monter. Bon. À mon avis, notre allié sera de rester terre à terre au travers de cette crise. Ben oui. Oui. Bon. Bon samedi. Bonjour, Annick. On peut comprendre qu'une certaine caste se sente justifiée de dominer la plèbe. Quand on voit à quel point une majorité de gens sont morons, lâches et naïfs. Ben oui, ben c'est comme. Regardez aujourd'hui, il y a, j'ai vu ça dans le journal, la chronique de Denise Bombardier. Elle chiale que la violence verbale. Elle n'a pas fait de violence verbale. C'est pas violent, ça, ce qu'elle a fait pendant les années de pandémie. Elle n'est pas méprisante, cette femme-là. Ça n'engendre pas de la violence d'agir comme elle l'a fait, hein? Elle est due pour la retraite, elle. Elle est due pour la retraite, puis on a tanné. Certains pensent que le lien vietnamien va voir sa valeur monter en flèche. Ah, c'est possible. Es-tu au courant du mensonge mis en place depuis des décennies concernant la transvestigation? Mannequin, actrice et vice-versa. Vous savez, moi, tout ce qui a rapport avec le domaine artistique, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas, je connais pas ça. Je vais connaître, oui, l'art au sens, bon, certaines œuvres d'art, une certaine expertise. Mais ce qu'on appelle les artistes, c'est-à-dire du monde dans le bâtiment artistique, ça m'intéresse, je connais rien là-dedans. Les actrices, ces affaires-là, les mannequins, la mode, je connais rien là-dedans. Donc, bon. Il y en a plein d'autres arnaques comme le coaching individuel en supramental vibratoire. C'est très dangereux. Vous avez... Ben oui, c'est sûr. C'est certain. Prenez juste, c'est quoi donc, la PNL. Si vous voulez vous faire programmer par quelqu'un puis payer pour, c'est un peu ça, là. Bon, moi, c'est honnête, là, non. Cela ne m'intéresse pas non plus, mais cela génère une dissonance dans nos esprits. Le fait qu'il y a une majorité de gens qui sont naïfs, que les pièges, c'est comme une sélection, puis tout. Si vous êtes vif d'esprit, puis c'est sûr, vous allez bien vous en sortir mieux que d'autres, ça devient des opportunités. Le terrain miné devient des opportunités, c'est-à-dire si vous êtes capable de bifurquer puis de vous rendre, je sais que ça a l'air cynique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme là, avec si jamais il y a des petits troubles économiques, puis tout le marché de l'immobilier, par exemple, il va y avoir des opportunités pour ceux qui vont avoir réussi à garder leurs moyens. C'est une crise tout le temps des plus gros qui mangent des plus petits. Mais si vous êtes brillant, vous allez être un petit qui peut venir gros. C'est terrible, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Ça m'intéresse pas. Okay. C'est qui l'homme nouveau dont BDM parle, celui qui voit à travers l'astral et qui va s'en sortir? C'est qui? Plutôt, c'est quoi? Mais justement, c'est qui aussi, dans le sens, c'est quelqu'un qui va être individué, qui pense par lui-même. Mais pas qui pense que pas quelqu'un qui pense au sens qu'il s'identifie à sa pensée, mais qui est autonome dans une vue de ce qu'il voit par lui-même. C'est ça l'homme nouveau dans le fond. C'est-à-dire ce qui va survivre. Bon, dans le sens que c'est d'être imperméable aux influences. C'est un peu ça, là. Il y a un groupe de rap parisien qui s'appelle PNL. Ils ont induit un type d'attitude et de comportement chez beaucoup de jeunes, moi. Bon, c'est un bon choix de nom. Le mieux pour étudier le supramental, ça reste Bernard de Montréal, quand même, ça évite bien des pièges de... Ben oui, mais même là, le mieux pour étudier ces phénomènes-là, c'est d'être autonome d'une façon totale. Dans le sens qu'il y a même du monde qui va étudier ces phénomènes-là puis qui n'ont jamais entendu parler de Bernard de Montréal. Voyons, tout à fait. OK. Marie-Jeanne, dans le supraconscience, on tire les cartes, on fait des consultations, on vend des livres, on crie dans la voiture, c'est un vrai bazar, un gros marché aux puces. Ben oui. Mais on savait que ça ferait ça. C'est comme dans n'importe quoi. C'est comme dans n'importe quoi. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben, de rien. Imperméable aux influences. Ben, vous voyez, Si l'humain, ça est autonome dans le sens que, ben c'est ça, être son propre programmateur, mais pas au sens comme la PNL. C'est quoi de la PNL? Alors, ça revient à c'est essayer de se servir de l'autosuggestion. Tandis que de la conscience, c'est de la déprogrammation. C'est-à-dire que si les programmes, si vous êtes conscient des programmes, vous allez pouvoir déprogrammer ou programmer. Bon. En tout cas, si l'humain prenait la responsabilité de sa vie au lieu de la confier au système politique, celui-ci aurait moins de pouvoir. Ouais, mais il y a juste l'individu qui peut faire ça. Ça ne sera jamais le cas des collectifs. Donc, bon, Bombardier a passé toute sa vie à tenter de s'élever au-dessus des gens, sont physiquement normaux par jalousie, tout comme l'autre avec la face grosse. Ouais. Ben moi, c'est sûr que je considère qu'il y a des possibilités au niveau de la personnalité puis de la psychologie. On peut considérer qu'il y a des activités de compensation. Denise Bombardier, elle est laide. Elle a tout le temps été laide. Je suis désolé de dire ça comme ça, là, mais elle est pas belle. Donc, puis elle, je la trouve, c'est toute cette prétention de supériorité intellectuelle qui m'énerve. Qui m'énerve, elle est tellement méprisante, elle est tellement. Bon. De toute façon, l'ultime justice, c'est celle de l'implacabilité de la matière. Donc, si elle ne prend pas sa retraite, les circonstances vont lui faire prendre. Un jour, on va avoir la paix. Mais, puis, il n'y en a pas tant que ça de son genre pour la remplacer. Donc, bon, il faut avoir du discernement tout le temps et ne rien croire. Exactement. Si on, dès qu'on croit, c'est une compensation. C'est-à-dire que si soit vous doutez, soit vous croyez, ça veut dire que vous ne savez pas. Des fois, il vaut mieux admettre qu'on ne sait pas que de croire. Parce qu'on croit, c'est être naïf. Si on a besoin de croire, c'est parce qu'on ne sait pas. À un moment donné, là, le monde semble aller vers une spiritualisation de masse. Oui. Oui, ben, ça fait partie, on dirait, de l'agenda. Une sorte de religion mondiale, là. En tout cas. Le 1er avril, le seul jour où les gens vérifient les dires avant de les croire. Ah oui. Il faut dire les vraies choses, l'aider. Qu'on pense, voilà. Ben oui. Denise, ben oui, elle est moche. Ben oui, puis pas à peu près. Vraiment, là. Il y en a un autre, là, qui écrit dans le journal de Montréal. Comment s'appelle donc? Elle est pire. C'est qu'elle est. Mais l'affaire, c'est pas pour les dénigrer ou être méchant, mais de comprendre que psychologiquement, il y a des raisons. C'est sûr que la grande pioche qui s'assied en avant dans la classe, des fois, ben c'est ben, à moins d'amis, à plus intérêt première de classe. Celle qui s'aime pas, qui a besoin de se valoriser. José Legault, est-ce qu'elle est? C'est tellement que c'est pas drôle, là. Puis je dis pas ça pour être méchant, mais c'est de comprendre que c'est quoi une activité de compensation. En connaissez-vous, vous, des beautés fatales qui deviennent des grandes intellectuelles? Ben non, il n'y en a pas besoin. Désolé, là. En vieillissant, elle est encore pire. Oui, ça l'empire tout le temps. Moi, je la trouve méchante. Je les trouve méchantes. C'est pour ça que je me permets d'être. Ben, le pire, c'est que c'est quand même une personne très intelligente. C'est des personnes intelligentes. C'est pas comme prenez Martineau, là, ça, c'est pas fort. C'est pas des hauts QI, là, Martineau. Elle comprend pas que son mépris la rend encore plus. Bon, José Legault, elle tente de régler ses comorbidités en masquant et en dosant tous les autres. Ouais. Il y en a des fois qui trouvent que je parle trop de. Bon. Tu sais, il voudrait que je sois monsieur, puis un peu comme. Bon, il y en a qui c'était des monsieur. Puis, non, non, non. Non, non. Vous jugez la PNL, mais vous ne savez pas c'est quoi la PNL. Ça n'est pas programmé, c'est des prises de conscience par questionnement. Non, non, non, non. C'est comme la sophrologie, là. Non, non. Regardez, là. La PNL, à mes yeux, là, c'est comme le supramental. C'est-à-dire, c'est de. Ou dès qu'au niveau d'un collectif, ou bien au niveau d'une doctrine, ou au niveau d'une interprétation, ça n'a pas le choix d'être de la marde. Ça n'a pas le choix. Certainement que je juge la PNL. Pourquoi je juge la PNL? Parce que toutes les gens qui en parlent, je trouve qu'il y a une vibration de marbre. Puis ça, ce n'est pas un jugement. C'est même pas un jugement, c'est mon opinion personnelle subjective à moi. Pourquoi? Parce que tous ceux que j'ai vus qui parlaient de ça, c'est des affaires comme Mel Goyer, puis c'est des hosties c'est de la thérapeutique titillation. Bon, c'est des petites thérapies, tu sais, je veux dire. Savez-vous comment j'ai réglé un paquet d'affaires tout seul? Je crois pas à ça, les thérapies. Ceux qui en ont besoin, c'est possible. À mes yeux, c'est pas ça, là. À mes yeux, si ça marche, ça veut dire que ça marche pas. Comment je pourrais dire ça? C'est difficile à expliquer, hein? Mais à mes yeux, il y a juste l'individu qui compte. Pas dans le sens d'un égoïsme, dans le sens que si vous n'êtes pas capable tout seul, c'est pas créatif. Si vous avez besoin d'un autre, c'est de la merde. Parce que là, on va entrer dans une ère où il va falloir réaliser que vous êtes tout seul. Il va falloir se mettre les pieds dans le vide. Puis accepter le fait que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. L'être humain, il a peur, puis il a besoin d'être aimé. Moi, j'aime mieux être haï. Bon, savez-vous qu'aujourd'hui, entendez, là, je suis perdu. OK, j'étais où, là? Leader, OK, José Legault. C'est une crise de fou. Montalo, ah bon. J'ai fait refaire ma carte d'identité récemment pour prendre le nom de mon père décédé et on ne m'a pas demandé son identité sexuelle. Ah, je sais pas. Martineau et sa blonde aussi, sophisme du fraîchier, c'est un de ses surnoms. Annick, je ne veux rien savoir de tout ça, tout ce qui sert à programmer. Je suis comme la peste, mais Linda, oui, c'est tout nouveau. Voyons, je suis perdu, là. Il demande sexe de père. Ah, ouais. Demandez combien de fois vous aux toilettes, la manipulation de bas étage. L'affaire, c'est que pourquoi j'ai de la misère avec la PNL? Parce que, à mes yeux, dès que vous avez consulté puis vous payez pour, à mes yeux, c'est sûr, ça ne peut pas faire autrement que d'être une activité de compensation. Puis, je crois juste à ce qui est autodidacte. Tout ce qui a rapport avec quelqu'un qui tient pour vous la lanterne, à mes yeux, c'est pas ce dont je parle. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que ça peut pas se servir, mais à mes yeux, c'est pas ce dont je parle. Ce dont je parle, être créatif, ça va tout à partir de vous, puis juste de vous. Ça peut pas faire autrement. Puis, pour moi, la PNL, ça fait partie des thérapies puis du développement personnel. Puis moi, à mes yeux, tout ça, c'est j'essaie d'être fin, là. J'essaie d'être gentil. Je dis pas que c'est mauvais tant que ça. Je dis que c'est pas ça dont je parle. Bon. Désolé, là. Vous êtes seul et les autres veulent votre crash, surtout ceux qui ont des. Ben non, le but, c'est pas de changer le monde, jamais. Je l'aime quand même comme il est le monde. Dans le fond, elle est totalement libre de ce monde parce qu'elle ne le. Attendez, là, je suis perdu, là. Bon, en tout cas, j'en ai perdu, là. L'humain, il cherche à tout prix à être aimé. Ben oui. Hier, j'ai entendu chez Berkoff que les administrations diffusaient une circulaire pour que les hommes enceintes se déclarent. Les hommes enceintes. Une seule personne peut changer le monde si elle est totalement libre et de ce monde parce qu'elle ne verra plus de la même façon. Ouais. Mais là, ça voudrait dire que le monde est un paradigme. Mais le monde existe en tant que chose en soi, en dehors de la perception. Être créatif, c'est pas juste. Bon, vous êtes seul et les autres veulent votre crèche, surtout ceux qui ont des outils pour vous. Et voilà. Mais c'est sûr. Parce que c'est pas gratuit, là. Le coaching en PNL, est-ce que c'est gratuit? C'est quoi, là, le but? Savez-vous quoi? J'ai appris à lire et à écrire tout seul. Je suis désolé, puis c'est pareil dans pas mal tout. Dans tout. J'ai appris à faire de la plomberie tout seul. J'ai appris à faire des raccords électriques tout seul. J'ai tout le temps appris tout seul. J'ai appris à peindre, à dessiner tout seul. J'ai appris à jouer de la musique tout seul. À mes yeux, ça vaut mieux tout seul. Dans le sens que l'intégration, ça revient à ça. Sinon, c'est comme être un perroquet, c'est du mimétisme. L'être humain, c'est un animal social. Puis l'homme nouveau, si on parle d'homme nouveau, c'est pas un animal, c'est un humain. On n'est même pas encore des humains collectifs. On n'est rien d'autre qu'une bande de singes, des anthropoïdes sophistiqués. Puis tout ce qui est à vendre, que ce soit, c'est tout de la marde à mes yeux. Prenez la psychanalyse. À mes yeux, c'est de l'hostie de marde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des découvertes, que ça n'a pas amené des perspectives nouvelles. Puis bon, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'au niveau des névroses, vous pouvez consulter un psychanalyste pendant 30-40 ans. Dans le fond, c'est un père de substitution. C'est un père. Bon, en tout cas, c'est d'essayer au niveau d'où le développement s'est bloqué. Mais ça, c'est pelleté par en arrière. En tout cas, puis moi, pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Si vous n'êtes pas bien là, tout de suite, maintenant, c'est pas de ça dont je parle. Ça se parle, je peux pas. Ça peut pas. Ce dont je parle, c'est pas ça. Puis ces affaires-là, je vois ça comme d'autres choses. C'est d'autres choses. Puis bon. Au lieu de dire effondrement du système économique, disons changement de système, même pas. C'est tout le temps la même affaire. Quel changement il y a eu? Il n'y a jamais eu de changement, dans le fond. Il y a tout le temps eu un support, des supports pour les échanges. Même si vous remontez au néolithique, il y avait des objets qui servaient de support. Prenez les disques de jade en Chine. Il y a 6000 ans, c'était de la monnaie. C'était une forme de monnaie, entre autres. Là, ils sont là, se demander, c'est quoi ces disques-là? Puis blablabla. Ah oui, ça avait des fonctions, entre autres. Bon, c'est le chaman qui servait de ça, mais c'était aussi une monnaie. En tout cas, pour crédit chinois canadien, une fois qu'il passe en deuxième lecture actuellement, plus d'argent, des points, tout à salaire égaux. Merci, ben de rien. Mais je sais pas, je m'avoue que je me déconcentre un peu. Mais prenez par exemple l'or. Même si demain matin, on a de la monnaie numérique, l'or va rester un support qui a une valeur. Bon, même avec le numérique, on va transiger du concret pareil. En ce moment, en France, dans les écoles maternelles, il y a des drag queens qui viennent apprendre aux enfants le concept de drag queen. C'est pas un concept, en tout cas. Ouais, ben l'affaire, c'est que, bon, vous aviez été averti que ça viendra en France. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est des programmes. C'est la preuve que la France, c'est sous gouvernance américaine. C'est les Américains qui mènent toute l'Europe. Toute l'Europe, comme ils mènent le Canada. Puis le cerveau de tout ça, ben, c'est en Angleterre, l'université Oxford, puis Tavistock, puis ces affaires-là. C'est des programmes de la CIA, ça. Le but, c'est la confusion des gens. On essayait à l'époque, dans le temps de la révolution culturelle en Chine, de faire porter un uniforme unisexe à tout le monde, les citoyens, au niveau d'une dissolution de l'identité. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi efficace qu'une confusion des genres. L'élimination des genres, ce n'est pas aussi efficace qu'une confusion des genres, au niveau de créer des individus qui n'ont pas d'identité, qui vont être beaucoup plus faciles à manipuler. Puis ils savent que plus on commence tôt, plus ça va bien, plus c'est facile. Puis le fait qu'on a les mêmes choses aux États-Unis, au Québec, en France, partout, là, vous pouvez le voir que c'est un agenda. Comment ça se fait que partout en Occident, il y a des drag queens qui vont lire des histoires aux enfants? Puis si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, là, vous dites c'est de la haine. C'est de la haine. C'est-à-dire que demain matin, si des spécialistes commencent à dire qu'il faut battre les enfants à coups de poing d'en face, puis que vous dites je suis pas d'accord, ils vont dire c'est de la haine. C'est comme un point Godwin, dans le sens que dès que vous dites quelque chose qui va contre la doxa, on va vous accuser de haine. Prenez l'antiracisme en France, là. Touche pas à mon pote. C'est une façon de clore tout débat. C'est une façon qu'il n'y ait pas de débat. De dire que c'est de la haine. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est de la haine. C'est pas de la haine, c'est que je suis pas d'accord. Moi, je m'en fous des drag queens, j'ai rien contre eux autres. C'est juste que je pense que ce qui est mal, c'est ce qui n'est pas à sa place. Puis ça, c'est pas à sa place. Bon. Les enfants, c'est pas comme les drag queens, c'est pas un concept, une drag queen, c'est pas un concept. Bon, trop. Je pense la même chose, j'ai réglé bien des choses par moi-même. Ben oui, puis ça va être beaucoup plus effectif, parce qu'on ne parle même pas. Ce que vous réglez par vous-même, ça risque d'être beaucoup plus permanent que ce que vous réglez par les autres. En tout cas, les conseils des autres, j'en prends, j'en laisse. Ben c'est ça l'intégration, l'individuation. Il faut que ça soit lié à vous. Je suis formel en PNL. Formé, ah bon, bravo. Félicitations. Mais bien franchement, ce n'est pas ce dont je parle. Comme il y en a sont formés en plomberie, mais c'est pas de ça que je parle. Il y en a que c'est des psychanalystes, mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je parle, vous n'avez pas besoin d'être personne. Personne. Parce que au niveau synaptique, par rapport au neurolinguistique, puis la façon dont les synapses se branchent, ce que je parle va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Tandis que quoi, la PNL, c'est pas basé là-dessus. Je trouve ça limité. Je trouve ça limité. Donc, bon. Puis, moi, je vais être franc avec vous. Ce dont je parle, c'est pas une pseudo-science parce que c'est même pas une science. C'est totalement individuel. Une science, tout le temps collectif. Donc, ça, ces affaires-là, à mes yeux, c'est toutes des pseudo-sciences. Parce que c'est collectif. Puis bon, ce que vous voyez par vous-même, puis l'individuation, puis votre conscience, c'est pas collectif, ça. L'intelligence, c'est collectif. La conscience, c'est individuel. Donc, ce dont je parle, il va avoir autant d'écoles qu'il y a d'individus. Puis tout ce qui peut y avoir au niveau collectif, après, c'est un échange horizontal, c'est tout. Mais finalement, tout ce qui est collectif est une limitation, à mes yeux. Parce que c'est lié au fait que l'être humain, c'est un animal social. C'est un anthropoïde sophistiqué. Toute sa subjectivité vient de là. Puis le peu d'objectivité qu'un individu peut acquérir au niveau d'une intégration de ce qu'on pourrait appeler le réel va toujours être lié à lui en tant que conscience. Ça ne viendra jamais de l'extérieur, jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on dit la pensée vient d'ailleurs, entre autres parce que les formes pensées, c'est des supports. Donc, la conscience réelle, c'est au-delà de la forme. C'est objectif au niveau de l'observation. Donc, tout ce qui est cristallisé dans une forme est extérieur, toujours. C'est l'enfer, ce dont je parle. Parce que vous ne pouvez pas imaginer plus lourd. C'est extrêmement lourd. Puis, c'est inhumain. Ce qu'on appelle l'humain, c'est collectif. Pourquoi? Parce que ça vient de nos notions d'animal social, entre autres. Donc, tout ce qui a rapport avec le psycho-affectif. Qu'on le veuille ou pas, la PNL est utilisée pour conformer. Ben, franchement, je ne connais pas assez. Mais c'est comme à un moment donné, je m'intéressais à la sophrologie. Ça n'a pas été long, j'ai mis ça de côté. La psychanalyse plus longtemps. J'ai eu un intérêt plus longtemps pour Manu. Je me suis rendu compte que c'était limité. C'est toujours limité. C'est tout limité. Donc, ça. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que tant qu'on le fait par nous-mêmes, c'est ce qui compte. Moi, l'intégration d'autodidacte, ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Je refuse souvent l'aide des autres parce qu'il y a toujours une attente par la suite subtile mais présente et ça me rend mal à l'aise. Je fais mes trucs seul. Voilà. Bon, la psychanalyse, c'est comme péter quand on a mal au ventre. Ça se soulage, mais c'est pas un traitement. Voilà. C'est parce que là, on est dans des choses, c'est toujours à recommencer. Ça va toujours être à recommencer. Tandis que, prenez comment que c'est passé dans le langage populaire. Prenez un complexe. Les gens vont dire, oh, moi j'ai un complexe. Mais ben, là, c'est parce qu'un complexe, c'est toujours inconscient. Comment un individu pourrait dire, j'ai un complexe? C'est toujours inconscient. Complexe. On comprend la définition par Freud, comment il l'a caractérisé, ce qui est un complexe. Donc, ça marche pas, là. Dès que quelque chose devient populaire, ça se. Je viens de comprendre pourquoi José Legault était pro-masque. C'était pas suffisant, il aurait fallu être pro-sac brun sur la tête pour. Ben oui, mais de toute façon, ces gens-là, c'est des courtisans. C'est des courtisans. José Legault était pro-masque de la même façon que, bon, à Versailles, les courtisans étaient pro-perruque. C'est aussi simple que ça, là. C'est aussi con que ça. C'est de la grégarité. Dans le fond, c'est de la soumission. C'est d'être des serviteurs. C'est des serviteurs, ces gens-là. Dans le fond, pourquoi? Parce qu'ils sont, c'est des animaux sociaux, donc au niveau de l'esprit de meute, ils s'inscrivent dans une hiérarchie. Pourquoi est-ce que Denise Bombardier peut se permettre de regarder les autres de haut? Parce qu'elle, elle est dans une hiérarchie. Elle fait partie d'un collectif, puis elle hiérarchise les gens, puis elle se considère au-dessus des autres. Alors que quelqu'un qui se considère comme en dehors de ça, il s'en fout d'elle, il ne sera jamais impressionné. Surtout, bon. Elle, c'est une universitaire. Mais imaginez un individu qui a appris à lire et à écrire par lui-même, qui a lu tous ses classiques, puis que c'est tout le temps de l'autodidacte, tout le temps. Ça ne l'impressionne pas des universitaires. Je ne me suis jamais intéressé à un sujet sans apprendre réellement, puis sans mettre en pratique. Donc, je suis au courant de mes capacités. Tandis que ces gens-là ne peuvent pas être intelligents sans le collectif, c'est impossible. Ça leur prend des universités, ça leur prend des professeurs, ça ne sont pas créatifs, ils sont incapables de créer quoi que ce soit. C'est des bricoleurs. Ils ont besoin à tout prix du collectif. Tandis que quelqu'un de réel, il s'en fout. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous allez être le mieux. On est bien tout seul. En tout cas, tu sais, je veux dire, ces gens-là, ben c'est comme si demain matin je ferme ma chaîne, je vais continuer de. Bon, c'est pas grave, mais José Legault, Denise Bombardier, sans lecteur, sans public, ils sont personne. Ils sont plus personne parce qu'à la base, tout seul, ils sont personne. C'est ça qui est plate. Ben, qui est plate, moi je trouve. C'est divertissant aussi, là. OK. Eh bien, il y en a qui coachent en conscience supramentale et prennent de l'argent. Ben, oh, je le sais. Pas moi. Ben, je le sais, puis c'est pas mauvais. Ça peut servir un bout de temps. Prenez. Il y a Sabourin qui fait ça. Il y a Bernard. Bernard, pas Bernard, l'autre qui est mort, là, Ménard. Qui c'est qu'il y a. Madame Hébert a fait ça, c'est correct. Ça peut servir un bout de temps. Mais c'est pas réel si jamais vous avez besoin d'être coaché toute votre vie pour intégrer. L'intégration va se faire toute seule. C'est-à-dire, vous pouvez être guidé un petit peu. Mais l'intégration réelle, c'est vous tout seul. Ça n'a pas le choix. Avec là, la pratique. Vous pouvez avoir un coach qui va jaser avec vous, entre autres la théorie, ou qui va vous faire aider la pratique pour voir des affaires. Mais la réelle intégration, ça va tout le temps être tout seul. Toujours. Il n'y a pas d'autre intégration là, que tout seul. Voyons. Donc, bon. Ben, il y en a, ben oui. Comment qu'on fait pour connaître sa programmation afin de se déprogrammer? C'est par de l'observation. Votre programmation, vous la subissez. Donc, c'est comme ça qu'elle s'identifie. Mais il y a des gens, ils vont s'identifier à leur programmation, puis ils voient pas, il n'y a pas de lutte entre la personne et la personnalité. Les programmes, c'est la personnalité. Ce qui subit, ce qui souffre, c'est la personne. La souffrance, c'est de l'information sur vos programmes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une identité réelle qui se développe, une individuation. Sinon, vous allez vous identifier à votre personnalité. C'est dangereux. Même, c'est très dangereux. Mais bon, c'est ça qui a créé le monde, la société comme on la connaît. Bon, c'est correct. Tout à fait, programme de la CIA. Ben oui, mais c'est... Pourquoi vous pensez que partout en Occident, en même temps, là, les drag queens ils lisent les affaires aux enfants? Il y a un agenda, là. Ils ne se sont pas concertés, là. Des gens ont financé ça, ils ont voulu ça. La sincérité deviendra encore plus une valeur, même que l'or. Bon. Vous savez, ça amène plus de problèmes que l'or. Programme de confusion et distraction. Ouais. Une gang à l'école de ma fille s'identifie comme félin. Ben oui, mais ça aussi, c'est une réalité biologique, être un félin. C'est pas un concept social. En tout cas, les félins sont plus intelligents que ça. Mister Guerrière, oui, par l'observation. Mais c'est intéressant quand même que tu aies parlé de PNL. Ben oui. Moi, je vous dis que c'est limité. Bon. Comme tout est limité. Ben, je viens d'en perdre. Il y a un paquet d'affaires qui ont descendu d'une chute, là. OK, on a besoin des moutons. Ah, je peux y aller par là, tiens. L'individu viendra... Voyons, je suis perdu, là. Je m'excuse. Je m'excuse, là, ça marche pas bien. La programmation de bord, je me change. OK. C'est vrai que c'est une nouvelle secte. Chaque année, attendez. Alors, je suis désolé, là, mais je n'ai perdu pas mal. OK, je t'ai rendu là. Pourquoi ce serait troublant, Annie, mais de l'observation, oui. Observation de quoi? Mais là. Ben, faut être présent, dans le sens que, bon, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est tout le temps. Tout le temps. Quand tu cherches sur Google, ils ont mis toutes les nouvelles de définition des appellations des genres. Il y en a des nouvelles appellations. C'est débile. Ben oui, c'est en effet, c'est débile. C'est ça de la confusion des genres. Ça va à l'infini. Bon, j'espère que mon micro marche. Chaque animal a une essence. Ses essences font toute partie de nous. Que c'est ça, là. Je suis désolé, là, mais là, vous me perdez parce qu'à mes yeux, c'est ça. Il y a des essences. Vous parlez comme essence, substance en philosophie. Là, ça marche pas, là. C'est une idéologie. Eh oui, je vois votre direct, je l'écouterai en replay. OK, un petit coucou en mode 1er avril, la farce de la limitation. Drax, c'est une nouvelle secte. Glenn devrait faire son influence pour mener les gens vers ses délais collectifs. Je ne pense pas. Parce que lui, il ratisse dans une clientèle alternative. Puis ça, ben, c'est supposé devenir... ça, c'est dans le fond, c'est pour la masse, hein, ces histoires-là. La programmation de base ne change pas. On peut déprogrammer des mécanismes et neutraliser des mémoires. Oui. Mais ben franchement, à un moment donné, au niveau d'où c'est effectif, vous allez même perdre. C'est-à-dire, il y a des choses où vous vous souviendrez même plus. Mais bon, la mémoire change, hein. En tout cas, dans mon cas. Bonjour, Mimi. Ah, la sophrologie, je suis en conflit avec ce qui se propose en ce moment qu'on veut lier avec les médecines énergétiques. Moi, ben vous savez, toute médecine va être énergétique par définition. J'ai toujours trouvé ça spécial. Je n'ai pas dit que c'est bon pour un être conscient évolutivement, mais ça aboutit à l'individuation de l'être. Ah oui, parler de la PNL. Je sais pas que c'est nécessairement mauvais, mais l'affaire, c'est que c'est récupéré par plein de monde, c'est servi à toutes les sauces, puis il y a un marché. Moi, je dis observez-le, ça. C'est correct, je veux dire, ils se vendent des formations, puis des affaires, puis. Mais moi, c'est pas. C'est jamais ces affaires-là que je parle. Jamais. De la conscience, ça s'achète pas, ça se vend pas, ça se. Bon. Tout le reste, c'est connexe. Dans le sens, c'est. En tout cas, l'individuation vient du renoncement à toute forme de système. Ouais, mais y a du systémique pareil. Dans le réel. Dans le sens, ouais, on sort des systèmes pour on peut entrer dans le systémique. Là, il va y avoir une intégration du réel. Dans le sens qu'il y a des lois. Il y a des lois de la réalité. Comme, bon, c'est là qu'il y a une différence. Je discerne après m'être perdu en un moment, vu que je suis en fin d'apprentissage. Mais si je dois bosser avec. Pour les autres, j'ai intérêt à bien être aligné avec ce que je veux faire avec la sophro. Moi, objection. Je m'intéresse à certaines problématiques médicales, entre autres la consanguinité, l'obésité morbide, l'alcoolisme fœtal. En outre, je lis le journal de Montréal. Moi, c'est pas pire ça. Bonjour, Belinda. Merci pour le message. Vous avez dit chez David que souvent on confond. Identité, identification, puis vous expliquez ce que vous entendez par l'identité. L'identité, c'est réel. L'identification, c'est une projection. L'identité réelle, ça s'identifie pas. L'identité réelle, c'est comme un centre, dans le sens, c'est un équilibre, c'est comme un centre de gravité. Tout qu'est-ce qui va vers. Alors, ça, c'est de l'identité. L'identité réelle, ça n'a pas besoin de s'identifier. Parce que ce n'est pas psychologique. Dans le sens, on pourrait ramener ça à une objectivité qui est imperméable à tout ce qui est extérieur, puis qui reste sur une solidité, un noyau central. Je ne sais pas si c'est correct, là. Ils ont besoin des moutons qui suivent le troupeau. Ben oui. Un berger ou un loup, appelez ça comme vous voulez, ça a besoin des moutons. C'est la même chose pour un mouton, il a besoin des autres moutons. Un mouton tout seul, il n'y a pas. Identité, c'est toi, identification, c'est tout ce qui n'est pas toi. Ouais, c'est parce qu'il y a des faux soi, il y a des faux moi. Ça existe, hein? Prenez quelqu'un qui dirait que lui c'est un punk. Bon. Ben, ça, c'est pas une identité réelle. À moins que Manu Bernard il avait dit, ça pourrait être une identité réelle, un punk, s'il est le seul au monde. Mais à part ça, c'est pas une identité réelle. Dans mon cas, j'ai évolué en conscience à travers des partages avec d'autres êtres humains. Ben oui, c'est sûr. Vivant cela m'a permis de gagner du temps. Ben oui. C'est des échanges importants, pareil. Tes paroles me font beaucoup de bien. Ah ben, tant mieux. Gagner du temps, tu veux dire avancer plus vite. Ah, tu vois, il vient de te clarifier. Bon, j'ai encore perdu un paquet d'affaires, ça a tout descendu d'un coup. Maudit que ça va mal. Je jaillis la technologie. J'haïs tellement ça. Il n'y a pas de mots pour dire comment j'haïs ça. Bon, ben, j'ai perdu plein d'affaires. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Ça fait que je vais aller faire d'autres choses, là. Ça va faire peut-être prochain mois que j'arrête de fumer, puis mon humeur n'est pas mieux. Et pas mieux. Puis je suis tout le temps en crise. Je suis tout le temps de mauvaise humeur. Je suis vraiment tout le temps en tabarnak. Comme là, faut que j'aille faire un peu. Aujourd'hui, j'ai un paquet d'affaires à faire que ça me tente tellement pas. Mais j'ai pas le choix. Attendez, là, je pense que j'ai retrouvé des affaires. Bonjour. Pourquoi les parents traînent leur tout petit à ces comptes de drague? C'est cool, ben, parce qu'ils se sont fait mettre dans la tête que ben, c'est pareil comme pour un paquet d'autres choses. C'est parce que même les parents, hein, ben, c'est des gnochons. Je suis désolé. Ils croient ce qu'on leur dit. Ils croient ce qu'on leur dit. Fait qu'ils pensent que c'est bon pour leur enfant. Ils sont bien intentionnés, ils ont des bonnes intentions, puis l'enfer est pavé de bonnes intentions. Fait qu'ils amènent leurs enfants. Il y en avait une qui était venue dans mon coin, puis juste l'affiche. Si vous aviez vu l'affiche, un style qui était laid, il pourrait prendre la peine de se raser au moins. Le gars, il avait même pas l'air. C'est comme je prenais le capitaine Eyeliner puis je le déguisais en femme. Le capitaine Eyeliner. Ils font exprès pour en plus Chris son. Il doit mieux que ça, je peux pas croire. Puis bon, comme je poudre enfin. Je m'en mêle pas. C'est pas moi qui vais aller me manifester. Je me manifeste là, mais je ne manifeste pas. Je suis quelqu'un qui se manifeste, pas quelqu'un qui manifeste. Pourquoi? Parce qu'au niveau du collectif, je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est au niveau de l'individu, le travail. Parce que la perdition, c'est collectif. Ça entraîne l'individu. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben non, j'ai choisi jeune de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que. Alors, je le savais. Dès mon premier jour d'école, la première année, j'ai décidé que je n'aurais jamais d'enfant. Parce que je me rendais compte qu'on vit dans un monde où on ne respecte pas les enfants, on les aime pas, on les éduque pas réellement. On n'éduque pas les enfants, on les formate, on les. On les instruit pas. On les formate, on les éduque pas, on les déforme. Fait que c'est ça. Donc, j'ai choisi que j'aurais jamais d'enfant parce que je voulais pas me battre toute ma vie. J'ai pas envie, moi, de me battre. Je veux dire, j'aurais été malheureux. J'ai pas envie d'aller me battre avec des professeurs, avec des directeurs d'école. Donc, j'ai j'aimais tellement mes enfants que je les ai choisis de pas en avoir. Ben, je les aimais trop. J'aime trop mes enfants pour les faire. Donc, j'ai pas fait d'enfant. C'est aussi simple que ça. C'est pas une époque là, pour ça. Pourtant, c'est important qu'il y en ait qui en font, qui en fassent. Mais bon, que je voulais qu'on. Bon, ben, il y a trop de monde. Là. Je peux pas. Je me rendrai pas. Là. Je peux pas tout lire. Puis bon, c'est ça. Puis je sais que c'est une époque un petit peu pénible, mais c'est le cas de toutes les époques. C'est le cas de toutes les époques. Mais là, ce qui est le plus attaqué, c'est ces choses-là, l'enfance. Puis bon. Pourquoi? Parce qu'on est rendu très avancé dans ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie sociale, la psychologie de masse. Mais c'est important de comprendre que certaines choses vont engendrer exactement l'effet contraire. Puis de pas trop s'inquiéter pour rien. Donc, sinon, on va perdre de l'énergie. Donc, rester en santé, rester équilibré, rester relativement de bonne humeur. Relativement, il faut avoir du fun pareil. Puis le reste, ça va aller de soi. Puis de toute façon, ça fait partie de nos aspects animaux de s'inquiéter, de bon, l'instinct de préservation, puis des choses comme ça. Puis parce qu'on le psychologise, ça devient contre-productif. Ça donne rien. Si vous ne vous inquiétez pas, vous allez voir plus clair. Puis vous allez être moins en danger que si vous vous inquiétez. C'est paradoxal, mais ça, c'est lié au fait qu'on nous intellectualisons. Mais un animal très instinctif, très intuitif, a plus de chances de survie qu'un animal qui pense, comme l'être humain, qui pense, qui pense, qui pense même. C'est ça la base. C'est tout. Bon, je vais en lire quelques questions. Vous ne ratez rien pour les enfants, un réel frein d'individualisation pour la femme surtout. Oh, c'est tout le monde qui est attaqué. De toute façon, attaquer l'homme, c'est attaquer la femme. Attaquer la femme, ça revient à attaquer l'homme. Puis attaquer les parents, c'est attaquer les enfants. Attaquer les enfants, c'est attaquer les parents. Attaquer l'individu, c'est attaquer le collectif. Attaquer le collectif, c'est attaquer l'individu. C'est indissociable, tout ça. Il est là le vrai systémique. Mais si vous intégrez et vous êtes individué, vous allez être tout ça en vous-même. Dans le sens que ben, vous allez être inattaquable, vous allez rester debout, vous allez rester solide, puis vous allez passer à travers sans vous dénaturer. Donc, bon. Parce que, bon, ben, c'est ça. Bon, ben, j'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. C'était moyen aujourd'hui. Mais il y a trop d'affaires, puis j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de tout lire. Ça, j'aime pas ça. J'ai un petit côté comme ça, là. J'aimerais ça, tu sais. J'aimerais ça lire tout. Puis pour ça, ces temps-ci, je lis même plus les commentaires. Ça doit faire 8 mois que je réponds plus à mes courriels. Je ne vais même pas voir. Je vais même pas voir. Des fois, j'ai juste envie J'ai juste envie de m'occuper de mes affaires. Non, j'ai tellement d'affaires. Puis je pense que plus social, moi là. Je suis sociable, mais je suis pas social. Moi, ce que j'aime, c'est bon. Être bien dans mes affaires. Mais là, c'est important de l'échange, puis tout, puis bon. Puis c'est un exercice, puis ça a une utilité. Mais bon, je dois être fatigué aujourd'hui, là. Je suis tellement. Pas que je suis pas de bonne humeur. Pas que je suis pas bien, mais j'aime tant de plus ou moins. On dirait que je manque de motivation pour ça. Puis là, faut que j'aille faire. Bon. En tout cas, c'est un petit peu plate, hein, aujourd'hui. J'étais un petit peu plate. Désolé. Il y a trop de monde, là. Je trouve. J'ai trop d'abonnés. Il y a trop de monde. C'est vrai que nous sommes loin des premiers directs où nous étions une vingtaine. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a trop de stock. Arrêter la clope n'est pas chose aisée. Bon, c'est pas si pire. Je suis pas trop de misère. Non, du tout. C'est bien correct, merci de ton temps. Ben, merci à vous. Puis, ben, c'est ça. Donc, bon, 10h30. Plus nous sommes. Mais non, t'es pas plate. Pas plus que. Oh, bonne journée. Bon, ben, bonne journée à tout le monde. 1h15. Bon, c'est correct. La température est maussade un peu aussi à Montréal. Ah, oh, ici, c'est pire, là. Il y a encore plusieurs pieds de neige ici. Mais bon, Montréal. Des fois, je m'imagine vivre là-bas. Genre, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Salut, bon week-end à tous. Bon, ben, bonne fin de semaine à vous aussi. Bon, ben, bonne journée à tous. Mais de rien.